vie de l'église, dans des tons gris banlieue comme dans un tableau raté. J'espère que tu viennes à passer. J'espère que tu viennes à passer. Je remonte mon col, j'allume une cigarette, j'envisage les nuages. Mon cœur n'a plus à la fête. Mon cœur n'a plus à la fête. Peu à peu je nous confonds en un sentiment hésitant. J'aimerais me raccrocher à toi, simplement te tenir la main. Simplement te tenir la main. Mais ce soir il fait froid, je te sers frileuse. Chaque ombre semble me dire que tu ne viendras pas. J'attends, je reviendrai demain, car il faut bien tuer le temps, parce que je n'attends pas de train que je n'aime pas. En passant, que je n'aime pas. En passant.